بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فأujourd'hui le 7 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le troisième cours de notre série de cours sur le résumé de la terminologie du hadith, Mustalah al-Hadith. Au cours passé, j'avais annoncé que je ferai une brève définition de deux termes qui sont importants, at-tadlis et al-mawdou'. La première de ces deux choses, donc at-tadlis. At-tadlis, c'est une manière de rapporter le hadith qui consiste à le rapporter en faisant penser à celui à qui tu le rapportes ou à celui qui entend ce hadith et cette chaîne de transmission rapportée, que ce dernier est plus haut que ce qu'il est vraiment. Il est plus élevé que ce qu'il est vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est plus haut, plus élevé? On a déjà défini cela par le passé. On a dit que l'isnad se divisait en isnad un'al, un isnad, une chaîne de transmission élevée, et isnad un'nazil, une chaîne de transmission basse. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est que la chaîne de transmission haute, élevée, et celle qui est basse? Celle qui est élevée, celle qui est la plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant. Et celle qui est basse, Omar? Celle qui est le plus éloigné. Le plus éloigné du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a dit aussi, ça c'est une... Et tfaddal, dis l'autre partie, s'il te plaît, Omar. Voilà, que des personnes ou dans laquelle il y a des personnes qui ont des caractéristiques qui sont plus élevées, plus hautes, comme par exemple des grands imams qui rapportent cette chaîne de transmission. Ici, ça peut être quelque chose qui est voulu dans ce qu'on appelle at-tadlis, donc de rapporter l'isnad, de rapporter le hadith d'une manière qui fait penser à la personne qui écoute le hadith qu'il est plus haut que ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire, comme on va le voir dans les exemples, de faire penser que tu rapportes le hadith de quelqu'un qui fait partie des grands imams, alors que cette personne de qui tu rapportes le hadith, eh bien, c'est quelqu'un qui n'est pas un imam. De même, de faire penser que dans ce hadith, il y a moins de personnes dans la chaîne de transmission. Moins de personnes. Donc, à ce moment-là, il sera plus haut, plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De quelle manière? Comment ça? At-tadlis, c'est le fait d'obscurcir quelque chose dans la chaîne de transmission. Obscurcir quelque chose. Et cette pratique, at-tadlis, vous entendez parfois, et ici on trouve encore une fois l'importance de connaître ces termes, parfois vous entendez nos savants dire qu'un tel est un mudallis. Parfois lorsqu'ils parlent des rapporteurs du hadith, parfois lorsqu'ils parlent des gens contemporains. Parfois ils peuvent dire cela à propos des gens de l'innovation, parfois ils peuvent dire cela à propos de personnes qui sont en dessous de cela. Il dit c'est un mudallis. C'est-à-dire qu'il aura obscurci certaines choses. Lorsqu'il rapporte des choses, il obscurcit. Il omet volontairement de rappeler certains points de l'information qu'il rapporte. Ici, at-tadlis, cette pratique se compose ou se divise en deux. Le tadlis qui concerne la chaîne de transmission, al-isnad, et le tadlis qui concerne al-shuyur. Qu'est-ce que al-shuyur quand on parle dans la science du hadith? On a déjà parlé de cela dans des cours précédents. Lorsqu'on dit un tel est le shir de un tel, qu'est-ce que ça veut dire, Damien? C'est celui qui a rapporté le hadith, qui lui a appris. Ahsant, c'est celui de qui il a rapporté le hadith. Donc son shir dans la transmission du hadith. Peut-être que ce shir est en dessous de lui dans la science. Mais à partir du moment où il rapporte de lui le hadith, on dira que c'est son shir. Donc le tadlis concernant la chaîne de transmission ou le tadlis concernant ash-shuyur, les gens donc de qui on rapporte. Concernant le tadlis de la chaîne de transmission, c'est le fait de rapporter un hadith d'une personne que le rapporteur a rencontré, mais de qui il n'a pas entendu ce hadith, d'une manière qui laisse à penser qu'il l'a entendu de lui. Un exemple, ici, on s'est tous déjà rencontrés. Il est possible qu'une information, tu ne l'as pas entendue de moi, mais tu vas rapporter l'information à quelqu'un en laissant penser que tu l'as entendu de moi, alors que tu l'as entendu d'une personne intermédiaire. Et tu ne veux pas rappeler cette personne intermédiaire. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Et c'est ces raisons qui poussaient aussi les gens du hadith à faire cette pratique de tadlis. Parmi ces raisons, tu veux que la personne qui t'entende pense que tu as la chaîne de transmission la plus haute. Tu l'as entendu directement de la personne et pas par des intermédiaires. De même que l'intermédiaire, lorsqu'il est plus bas que toi, c'est un petit en âge, il est plus jeune que toi, ou alors il est en dessous de toi dans la science. C'est comme ça qu'ils faisaient, les rapporteurs du hadith. Ils voulaient directement rapporter l'information de la personne plus haute. Il n'a pas pu entendre cette information de cette personne. Il l'a entendu par un intermédiaire, mais il ne veut pas que cela se voie dans sa chaîne de transmission. Donc il le rapporte d'une manière, laissant penser l'auditeur qu'il l'a entendu directement de lui. Peut-être parce que cette personne est plus jeune que lui, il ne veut pas dire ou laisser penser ou que les gens sachent qu'il l'a entendu de cette personne. Peut-être aussi pour des raisons politiques. C'est-à-dire que à certains moments, il y avait certaines personnes qui étaient mises à l'écart par ceux qui détiennent le pouvoir. Et si tu rapportes de telle personne, ou tu étudies chez telle personne, eh bien, cela te nuira. Donc à partir de là, la personne rapporte le hadith en laissant penser qu'il a entendu de celui qui est au-dessus et en faisant tomber cet intermédiaire. Mais bien sûr, si il dit directement « j'ai entendu ça de lui », comment ça s'appelle ? Du mensonge. C'est pour cela que certains, parmi les grands savants du hadith, ils disaient « at-tadlisu ukhtul kadhib ». At-tadlis, c'est la sœur du mensonge. Certains qui étaient durs sur cela. Et donc, si il dit directement « je l'ai entendu de lui », ceci est un mensonge. Mais ici, il fait penser qu'il l'a entendu de la personne alors qu'il ne l'a pas entendu. Par des manières. Quelles sont ces manières ? An. Vous voyez souvent, vous entendez souvent An Fulan. An, c'est une manière de dire d'après celui-ci. D'après celui-ci. Donc on ne comprend pas de la personne lorsqu'elle dit, par exemple, j'ai entendu, ou lorsqu'elle dit j'ai entendu Cher dire telle et telle chose. Là, on sait que la personne l'a entendu directement. Mais si elle dit An Yaqub, An Hassan, la personne ne sait pas si elle l'a entendu directement ou si elle le rapporte de lui, selon lui. Vous comprenez ? Ce sont des manières qu'ils ont de rapporter le hadith de cette manière. Pareil, Anna. Un tel dit Anna Sheikhan qal. Anna Hassanan qal, etc. Anna. Et c'est ça qu'on appelle la chaîne de transmission, mu'an'an ou mu'an'an. Mais vous entendez souvent ceci. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal. Anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu an qal, sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. An Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu an, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kadha. An wa an. Comment fait-on ? Si cette personne est connue comme quelqu'un qui pratique cette chose, at-tadlis, c'est quelqu'un de viable. On a déjà vu les conditions pour accepter le hadith. C'est quelqu'un de viable, quelqu'un de véridique. Mais il pratique cette chose-là. C'est une chose qui est connue de lui qu'il pratique at-tadlis. Il dit an. On n'accepte pas sa narration jusqu'à ce que l'on soit sûr qu'il l'a vraiment entendu de lui. Par exemple, dans une autre version, il est rapporté qu'il dit « j'ai entendu ». Là, à partir de là, on est sûr. Une autre narration, une autre version, il dira « j'ai entendu » directement. Mais si il dit « an », un tel, et qu'on sait que c'est quelqu'un qui est connu pour faire cette pratique-là, « at-tadlis », eh bien, sa narration ne sera pas acceptée chez les gens du hadith. Fadl. Non, ce n'est pas un mensonge, justement. Puisque la personne, elle ne ment pas, elle ne dit pas directement j'ai entendu de lui, mais elle fait, comme je l'ai défini ici, elle fait penser qu'elle l'a entendu. Elle fait penser qu'elle a entendu. Comme si je dis Abdelkader a dit, et je rapporte une information de toi. Et je ne l'ai pas entendu cette information. Mais la personne qui va m'entendre, elle pensera que je l'ai entendu. Je n'ai pas dit, j'ai rapporté de Tariq, par exemple, qui m'a rapporté d'Abdel Qadir. Je n'ai pas rappelé la chaîne de transmission. J'ai juste dit, Abdel Qadir a dit telle et telle chose. Celui qui va m'entendre, il va penser que je l'ai entendu directement de toi. Ça laisse un doute. Mais ce n'est pas du mensonge. Ça, c'est concernant ce qu'on appelle donc Tadlis al-Isnad. On a maintenant Tadlis al-Shuyur. Cette pratique concernant al-Shuyur, c'est le fait de nommer la personne de qui tu rapportes, donc ton cheikh, dans le hadith, d'une autre manière qu'il est connu habituellement. Par exemple, on connaît une personne sous son prénom. Et on a l'habitude de l'appeler par son prénom. Et les gens le connaissent par son prénom et ils ne connaissent pas sa kunya, Abu Intel. Au moment où je voudrais rapporter de lui, sans que les gens sachent que c'est de lui que je rapporte, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, je dirais, Abu Intel m'a rapporté telle et telle chose. Et celui qui va entendre, il ne sait pas qu'il parle de Intel, puisque cette personne n'est pas connue sous son nom de... sous sa kunya, mais il est connu sous son prénom. Et je vous ai évoqué ici pourquoi les rapporteurs du hadith faisaient cela. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'ils aimaient, les rapporteurs du hadith, avoir beaucoup de narrations et beaucoup de chouyour. Donc, au moment où il va appeler une fois son shir par son prénom, dans une autre narration, il va l'appeler par sa kunya, dans une autre narration, il va l'appeler par son prénom et le nom de son grand-père, et non le nom de son père, et autre que cela, pour faire penser à l'auditeur qu'il a beaucoup de chouyour. Alors que toutes ces personnes, ce ne sont qu'une seule personne. Et il y a d'autres causes de cela. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, pratiquait cette chose-là. Je ne dis pas qu'il pratiquait at-tadlis, mais il rapporte de l'un de ses chouyour de qui il était très proche, avec qui il s'est froissé, qui est un grand savant du hadith. Il s'est froissé avec lui, au point que cette personne qui est le cheikh de l'imam al-Bukhari a critiqué l'imam al-Bukhari. Il ne l'a pas critiqué de droit. C'est un grand savant du hadith. Il est arrivé à critiquer son élève, l'imam al-Bukhari. Et certains parmi les gens de science expliquent cela pour telle et telle raison. Je n'ai pas envie d'évoquer ces raisons ici. Mais c'est un grand savant du hadith qui est viable dans sa narration, qui fait partie des gens de piété. Un des plus grands parmi chouyour de l'imam al-Bukhari, qui est Muhammad al-Zuhli. Muhammad ibn Yahya al-Zuhli. Parfois l'imam al-Bukhari rapportera de lui, dira, Muhammad m'a dit, comme cela. Des fois il dira al-Zuhli, des fois il dira Muhammad ibn Faris, qui est le nom de son grand-père ou de celui qui est au-dessus de lui. Donc, la personne qui ne connaît pas cette personne, Al-Dhuhli, pourra penser que l'imam al-Bukhari s'y rapporte de plusieurs personnes différentes. Alors que ce n'est qu'une seule personne. Je ne dis pas que l'imam al-Bukhari faisait du tadlis, si vous avez bien compris. Je parle du fait de rapporter de l'un de ses chouyours en l'évoquant de manière différente. Et ceux qui pratiquent le tadlis sont nombreux. Sont nombreux et ils sont de différents degrés. Et donc, la narration de quelqu'un qui pratique et tadlis et qui est connu pour pratiquer et tadlis ne sera acceptée que si il exprime explicitement qu'il a entendu ou qu'il a vu celui de qui il rapporte faire telle et telle chose ou dire telle et telle chose. Passons maintenant à al-mawdou'. Al-Mawdou', je l'ai rappelé la semaine dernière lorsqu'on étudiait donc Al-Da'if, le hadith qui est da'if, qui est faible. Al-Mawdou' est un petit peu particulier car c'est le hadith qui est un mensonge, le hadith inventé, mensonger. C'est donc un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans aucun doute, Al-Mawdou' est rejeté, il n'est pas accepté. Et il est interdit d'évoquer, de rapporter le hadith Mawdou', si ce n'est pour éclaircir et mettre en avant sa faiblesse et le fait qu'il est Mawdou' et que ce hadith est un hadith qui est mensonger. Tu n'as pas le droit de rapporter ce hadith, par exemple, pour faire une exhortation, parce que c'est un hadith qui a l'air beau. Non. La seule raison qui peut te pousser à rapporter un hadith mawdou', c'est de dire telle parole est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, pour savoir que le hadith est mawdou', ont plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, le fait que celui qui a inventé ce hadith le reconnaisse. Il y a aussi le fait que une personne soit connue pour étant une personne mensongère, qui est connue pour mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et autre que cela. Et les hadiths, les mawdou'a sont nombreux. Parmi ces hadiths, les hadiths qui traitent de la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mérite de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou la tombe d'autres que lui. Tous ces hadiths sont des hadiths qui sont inventés, qui sont faux. De même que les hadiths qui traitent du mérite ou des mérites du mois de Rajab et de la prière lors de ce mois. Les hadiths qui traitent de la vie de Al-Khadir. Je ne parle pas de ce qui est rapporté à propos de Al-Khadir, qui est évoqué dans Surat Al-Kahf, comme vous le savez là, Surat la caverne, le compagnon de Moussa alayhi salam. Je parle de ce qui, les hadiths qui traitent de sa vie, le fait qu'il est encore vivant aujourd'hui. Il y a des hadiths qui sont rapportés comme cela, sur le fait que le Khadir est encore vivant aujourd'hui. Ça, ce sont des hadiths qui sont inventés. De même que des hadiths sur différents sujets, comme par exemple ce hadith qu'on entend souvent, « Irtilaf ou Ummati, Rahma, la divergence de ma communauté est une miséricorde. » C'est un hadith qui est inventé. Il n'existe pas. De même que Hubbul Watan min al-Iman, l'amour de la patrie fait partie de la foi. Ça, c'est un hadith aussi qui est inventé. Et autre que cela, parmi le grand nombre de hadiths inventés, un hadith qui est inventé, qui est connu par beaucoup de gens, Khayrul Asma ma humida wa ubida ou ma ubida wa humida. Les meilleurs des noms sont ceux qui sont avec Abd, ubida wa humida, avec Muhammad, Mahmoud, etc., avec Alhamd dedans. Ça, c'est un hadith qui est inventé. Le hadith qui est authentique, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam muslim, est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ahabbu l'asma'i ilallah, Abdullah wa Abdurrahman. » Les noms les plus aimés auprès d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. Et sans aucun doute, les noms avec At-ta'bid lillahi azza wa jal, comme Abdul Hakim, Abdul Karim, Abdul Samad et autres, ce sont des noms qui sont aimés, qui sont des beaux prénoms. De même que les prénoms comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Mahmoud, Ahmed, ce sont des beaux prénoms. Mais ce qui est voulu ici, ce qui est visé, c'est que ce hadith qui est souvent répété par les gens de la masse, c'est un hadith qui est faux, qui est inventé. Et les savants ont écrit des livres à propos de Al-Mawdou'. Ce sont des livres de référence vers lesquels tu reviens pour connaître Al-Mawdou'. Parmi ces livres les plus importants et les livres les plus connus, Al-Mawdou'at de Al-Imam Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi a un livre qui s'appelle Al-Mawdou'at. C'est un livre qui est un livre de référence concernant Al-Mawdou'at, mais Ibn al-Jawzi a rapporté dans ce livre des hadiths qui ne sont pas Mawdou'a. C'est-à-dire qu'il s'est trompé. Jusqu'à ce qu'il a rapporté dedans un hadith qui se trouve dans le Sahih de l'imam muslim. C'est une erreur. Un grand imam comme lui, Ibn al-Jawzi, peut se tromper. De même qu'un livre qui s'appelle Al-Fawaid al-Majmou'a, fil ahadith al-Mawdou'a, de l'imam al-Shawkani, qui est un livre connu sur Al-Mawdou'at. Je veux que vous rapportiez la semaine prochaine un hadith Mawdou'a. Un hadith Mawdou'a. La semaine prochaine, Inch'Allah, pour la révision. Je vous ai donné ici des livres vers lesquels revenir pour chercher Al-Mawdou'at. Rapportez un hadith Mawdou'a, celui que vous voulez. Et les menteurs sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de différentes sortes. Il y a les hypocrites, ceux qui prétendent l'islam et qui ont donc inventé des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nuire à l'islam. Des hypocrites. Il y a aussi ceux qui ont inventé des hadiths pour se rapprocher de ceux qui détiennent le commandement, des gouverneurs. C'est-à-dire qu'ils inventaient un hadith à propos d'une chose que le gouverneur aimait, afin de se rapprocher de lui. Lui, c'est un bon conteur, un bon rapporteur de hadith. Il rapporte des hadiths que j'aime. Il y a aussi ceux qui inventaient des hadiths pour se rapprocher des gens de la masse, du peuple. Il y a aussi ceux qui inventaient des hadiths. Donc ici, on a une partie de ceux qui inventent les hadiths. Une autre partie, des gens qui ont inventé des hadiths sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par ignorance dans leur religion, de l'interdiction de cela. Et comme vous le savez, il y a une très grande interdiction, une très grande menace qui pèse sur celui qui ment sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans ce hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, dans le sens, celui qui ment sur moi intentionnellement, qu'il prenne sa place dans le feu. Ces gens-là, qui étaient ignorants, qui désiraient faire le bien, qui ont inventé des hadiths pour ramener les gens vers la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils inventaient des hadiths méritoires sur, par exemple, le Coran. Et le mérite de réciter telle et telle sourate, le mérite de réciter et de terminer le Coran, le mérite de telle et telle chose, lorsqu'ils ont vu que les gens ont commencé à délaisser le livre d'Allah, sa lecture et sa mémorisation. Ils avaient une bonne intention. Mais la bonne intention n'arrange pas la mauvaise œuvre. La bonne intention, ceci est une règle. La bonne intention n'arrange pas la mauvaise œuvre. Il y a aussi des hadiths qui ont été inventés par ceux qui ont du ta'assoub, du fanatisme concernant leur madhab. C'est-à-dire qu'on peut trouver leur école juridique. C'est-à-dire qu'on peut trouver des gens qui ont inventé des hadiths mettant en avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait annoncé la venue de telle et telle personne qui s'appelle de telle et telle manière parmi les imams de l'madhahib pour attirer les gens vers leur madhab. Regardez jusqu'où ce fanatisme les a conduits. Et Al-Moudou, de manière générale, est un sujet très important, comme vous pouvez le voir. Revenons à notre cours d'aujourd'hui. Nous avons étudié donc la chaîne de transmission. Et à la base de la chaîne de transmission, nous trouvons As-Sahaba, radiyallahu anhum. Qu'est-ce que As-Sahabi ? Qu'est-ce que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Le compagnon, la définition du compagnon, est celui qui s'est réuni avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant cru en lui et est mort sur cette croyance. Ceci est une définition simple et c'est la définition qu'a donnée Al-Hafidh Ibn Hajar dans son livre Al-Isaba. C'est un livre où il rapporte les noms de beaucoup de as-sahaba, radiyallahu anhum. Il dit, as-sahabi, man ijtama'a bin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, mu'minan bihi, wa mata ala dhalik, wa law takhallalat riddatun ala as-sahih. Dans le sens, comme je vous l'ai dit ici, simplement il a rajouté une partie que nous n'allons pas rajouter, je vous la traduis quand même si la personne a apostasié, donc est sortie de l'islam, et donc est revenue à l'islam, puisqu'on a dit ici, du moment qu'il est mort sur cela, sur cette foi, en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez la rajouter comme vous pouvez ne pas la rajouter, puisque dans tous les cas, au moment où on dit, et il est mort sur cela, eh bien, on a englobé cette définition. Ceci est as-sahabi. Et certains parmi les gens de science disent celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru en lui et est mort sur cela. Et on dira que cette définition est une définition qui n'est pas complète. Pourquoi ? Ahsant. Parmi les sahaba, il y avait des aveugles. Donc si on dit celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que Ibn Ummi Maktoum, le muadzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas un compagnon. Vous comprenez, elle n'englobe pas réellement tous les compagnons, cette définition. C'est pour ça qu'on dit celui qui s'est réuni autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme je l'ai dit, dans la définition d'Ibn Hajar, il y a aussi celui qui est sorti de l'islam. Donc il est rentré dans l'islam, puis il est sorti, puis il est revenu à l'islam. Comme qui ? Vous en rapportez un pour la semaine prochaine. Une personne parmi les sahaba qui serait sortie de l'islam, puis revenu à l'islam et mort sur l'islam. Et il sort de cela aussi, de cette définition, celui qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, mais qui ne l'a pas rencontré. Il y en a eu, On va arriver à cette définition-là tout de suite. Mais je veux que vous en rapportiez un aussi. Une personne qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, mais qui ne l'a pas rencontré. Et il faut savoir que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont justes, fiables, et nous acceptons la narration de l'ensemble d'entre eux, et ceci même si nous ne connaissons pas, nous ne savons pas qui il est. Vous vous rappelez lorsqu'on a parlé de Al-Mursal. Al-Mursal, on a dit que c'est le hadith que At-Tabi'i rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si, donc c'est-à-dire le Tabi'i dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. At-Tabi'i, comme on va le voir ici, c'est quelqu'un qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne l'a pas rencontré. Par contre, si As-Sahabi dit, je rapporte d'une personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à partir de là, cette version est acceptée. On n'appelle pas ça un hadith mursel. La narration est acceptée. Pourquoi ? Puisqu'il le rapporte dans Sahabi. Et les savants disent une règle. Ils disent, la non-connaissance de As-Sahabi ne nuit pas, ne nuit en rien à l'authenticité du hadith. La non-connaissance du Sahabi ne nuit en rien à l'authenticité du hadith. À partir du moment où on sait que c'est un Sahabi qui rapporte l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on ne sait pas qui il est exactement, la narration est acceptée, car ils sont tous justes et fiables. Radiallahu anhum ajma'in. Donc, nous avons ici At-Tabi'i. Qu'est-ce que At-Tabi'i ? C'est celui qui a rencontré un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et est mort sur cela. Maintenant, nous avons une troisième catégorie qui est Al-Mughadram. Al-Mughadram. Mim, Kha, Dad, Ra, Mim. Al-Mughadram. Mim, Kha, Dad, Ra, Mim. Al-Mughadram. Qu'est-ce que le Mughadram ? Al-Mughadram, c'est celui qui a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, mais qui ne l'a pas rencontré. Celui qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, mais qui ne l'a pas rencontré. Donc on a dit que celui-ci sortait de la définition de sahaba. Comme An-Najashi, le roi de l'Abyssinie à l'époque. Il avait cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a jamais rencontré. Donc ce n'est pas un sahabi. Comment on les appelle ? Ce n'est pas un sahabi, mais il est au-dessus de At-Tabi'in, puisqu'il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Donc les savants les ont appelés ces gens-là Al-Mukhadramin. Donc c'est un Mukhadram. Je vous en ai donné un, j'en voudrais un autre. Et certains parmi les gens de science ont dénombré Al-Mukhadramoun et ils ont dit qu'ils étaient environ 40. Environ 40. Ici, pour terminer notre étude de la science du hadith, je dirais que la mise à l'écrit du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été faite durant sa vie, ni durant la vie de ces quatre califes bien guidés, radiallahu anhum. Elles n'ont pas, donc ces traditions ont été mises à l'écrit, comme elles ont été mises à l'écrit par la suite, durant le califat de Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, qui était un calife de quelle famille ? Omar ibn Abdul Aziz. De sa famille, mais de quelle grande famille ? Abdallah. Bani Umayya. C'était un Umawi. Ce qu'on appelle en français les Omeyyades. Vous avez les Omeyyades, ensuite les Abbasides. Donc, Omar ibn Abdul Aziz est celui qui a eu peur que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam se perde. Il a donc envoyé des lettres aux savants de Médine, aux juges de Médine, Abu Bakr, Ibn Muhammad, Ibn Amr, Ibn Hazm. Abu Bakr, Ibn Muhammad, Ibn Amr, Ibn Hazm. Le juge de Médine à son époque, il lui a demandé de réunir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, il écrivit une lettre, la même lettre, aux horizons, c'est-à-dire aux autres contrées. Puis il demanda et ordonna à Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. Muhammad ibn Shihab qui faisait partie des imams, des grands imams parmi At-Tabi'in. Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. Ce nom, vous l'entendez beaucoup. Il fait partie des chuyours de l'imam Malik, de qui il rapporte de lui dans Al-Muwatta, Mohammed ibn Shihab. Il fait partie des rapporteurs des six grands livres de hadith, ce qu'on appelle les six mères ou les six livres mères de hadith, que l'on va voir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim et autres rapportent de lui directement, mais il fait partie de leurs rapporteurs, c'est-à-dire que dans ces six livres-là, tu le retrouves, Mohammed ibn Shihab, dans la chaîne de transmission. C'est un grand rapporteur du hadith. Il est mort en 123 ou 124 de l'Hégire. Une divergence sur la date de sa mort. 123 ou 124 de l'Hégire. Mohammed ibn Shihab al-Zuhri. Il lui a ordonné, donc Omar ibn Abdel Aziz, d'écrire, de réunir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la première personne, d'après ce qui est connu chez les savants, la première personne qui a écrit un recueil de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien lui, Mohammed ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah. Et ceci d'après l'ordre du prince des croyants, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah azza wa jal. Et ceci était aux alentours de l'encens de l'Égir. Aux alentours de l'encens de l'Égir. Puis après Mohammed ibn Shihab et ce recueil de hadiths, les gens ont commencé à écrire des recueils de hadiths. Et les gens qui ont écrit, les savants, les imams du hadith qui ont écrit ces recueils, qui ont réuni le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient plusieurs voies dans cela qu'ils empruntaient. Parmi ces voies, il y a la voie de celui qui rapporte le hadith avec sa chaîne de transmission. Et c'est ce qui était connu en particulier dans les premiers temps de l'Égir. Comme cela, Mohammed ibn Shihab al-Zuhri. Et parmi ces gens, ces savants du hadith qui rapportaient le hadith avec la chaîne de transmission dans leur recueil, il y avait ceux qui rapportaient des hadiths autour d'un seul sujet. C'est ce qu'on appelle al-ajza al-hadithiyya, c'est-à-dire les morceaux, les épîtres qui étaient écrites sur un seul sujet. Et c'est comme cela que Mohammed ibn Shihab, comme il est rapporté de lui, a écrit ce premier recueil. Nous avons des grands imams qui ont écrit, par exemple, Kitab al-Ilm de Ibn Abi Khaythama, An-Nasa'i, qui est autre que An-Nasa'i, le rapporteur de As-Sunan, qui, lui, Ibn Abi Khaythama, était un des shuyukh de l'imam Muslim. Il a un livre qui s'appelle Kitab al-Ilm, le livre de la science. De même que Ibn Abi Shayba a le livre de Al-Iman, de même que Al-Qasim Ibn Sallam, Abu Ubaid, qui a aussi le livre de l'Iman. C'est-à-dire qu'ils écrivent un épître, ils réunissent tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques ou non authentiques, ceci concernant, d'après la condition qu'ils se sont donnée, comme on va le voir ici, autour d'un seul sujet. Par exemple, autour de la science. Tous les hadiths qu'ils rapportent avec la chaîne de transmission. Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le mérite de la science. Kitab al-ilm. Concernant l'iman, la foi. Tous les hadiths qui traitent de l'iman. Ça, c'était une de leurs manières d'écrire le hadith. Et c'était une manière qui était très répandue chez les premières générations en particulier. Une autre manière, selon des chapitres de la science. C'est-à-dire qu'il rapporte plusieurs chapitres traitant de sujets différents. Comme par exemple, des chapitres traitant de la jurisprudence, en commençant par al-wudu, donc la purification, puis la prière, puis zakat, puis al-siyam, puis al-hajj, et autres que cela. Et ceci est la voie empruntée par l'imam al-Bukhari, de même que l'imam muslim, de même que ceux qui ont écrit as-sunan, comme on va le voir. L'imam al-Bukhari, j'aimerais que vous me rapportiez le premier hadith, puisqu'on va en avoir besoin dans notre révision, le premier hadith avec sa chaîne de transmission qu'a rapporté l'imam al-Bukhari dans son sahih, de même que le dernier hadith, et ceci tu profites de cette recherche pour celui d'entre nous qui n'a peut-être jamais ouvert le sahih de l'imam al-Bukhari, ou peut-être très rarement, tu profites de cette recherche pour faire connaissance avec ce livre, qui est, comme on va le voir, d'après l'ensemble des savants de l'islam, le hadith le plus véridique après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un livre mère, un des grands recueils de l'islam. Comment tu fais pour chercher? Tu as la bibliothèque de la mosquée. Chacun dans la ville où il habite, il doit avoir une bibliothèque dans sa mosquée, même si parfois il y a, alhamdoulilah, dans notre mosquée, alhamdoulilah, qui est une mosquée sur la sunna. On n'a que des livres sur la sunna, walillah, alhamdoulilah, mais parfois dans la mosquée de certains frères, donc dans leur ville, il y a peut-être des livres à éviter. Donc il ne faut pas t'aventurer à chercher dans n'importe quel livre. Tu prends le livre que tu as besoin. Là, on demande une recherche dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Tu cherches le sahih de l'imam al-Bukhari. S'il n'y a pas, tu cherches sur internet. Si tu as al-Maktabatu al-Shamila, si tu sais lire l'arabe. Sinon, sur internet, je pense que ce livre-là est répandu, même en français. Et faites attention quand même aux sites sur lesquels vous allez, des sites de confiance. Allez sur des sites de confiance. Barakallahu fikum. Donc, le premier hadith, le dernier hadith, de même que les trois premiers chapitres, le nom des trois premiers chapitres dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et des trois derniers. C'est une recherche qui est simple. À partir du moment où tu arrives à avoir le Sahih de l'imam al-Bukhari dans les mains, la recherche se fait en moins de 5 minutes. Les noms des trois premiers chapitres comme des trois derniers. Hein, quelqu'un peut donner ici tout de suite le nom des trois premiers et des trois derniers? On a déjà évoqué ça dans les cours précédents. Fadl Biram. Là, At-Tahara, c'est pas le premier dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Al-Iman. Al-Iman, Ahsant. Hein? Kitab al-Tawhid. Là, le premier c'est Kitab al-Iman. Et le dernier? Hein? Abdallah. Kitab al-Tawhid, tu viens de le dire. C'est le dernier. Kitab al-Tawhid, c'est le dernier dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Et le premier c'est Kitab al-Iman. Et donc je vous laisse chercher les autres livres. On les avait déjà évoqués par le passé. Donc, il y avait donc cette méthode, donc c'est-à-dire le fait d'écrire un recueil de hadith selon des sujets précis, des sujets donnés. Il y avait aussi ceux qui écrivaient des recueils de hadith selon la voie de Al-Masanid, qui est le pluriel de Mousned. Vous entendez le Mousned de l'imam Ahmed, le Mousned de Abi Daoud, Al-Tayyal ici, le Mousned de un tel et de un tel. Mousnad al-Bazzar, Mousnad al-Darimi, et autres que cela. D'après une certaine appellation, certains l'appellent Mousnad al-Darimi et d'autres l'appellent Sunan al-Darimi. Al-Mousnad, qu'est-ce que ça veut dire al-Mousnad? Lorsque tu entends un livre appelé Sahih al-Bukhari, Sahih ibn Hibban, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a écrit ce livre, qui a réuni ses hadiths, donc l'auteur, a réuni tout ce qu'il a trouvé comme étant sahih auprès de lui, selon ses conditions à lui, selon son effort à lui. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a dedans est sahih, à part le sahih de l'imam al-Bukhari et le sahih de l'imam muslim, qui sont deux livres qui ont été acceptés par les savants de la communauté. Bien sûr, les gens de la masse suivent leurs savants, donc qui ont été acceptés par l'ensemble de la communauté comme étant des livres qui sont authentiques. Donc, à partir de là, tu ne cherches pas à vérifier la chaîne de transmission d'un hadith qui se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari ou le sahih de l'imam muslim. Tu dis rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, rapporté par l'imam muslim dans son sahih, et tu t'arrêtes là. Puisque ce sont deux livres qui ont été acceptés par l'ensemble de la communauté, ils les ont acceptés, ils les ont accueillis par l'acceptation. Mais de manière générale, un recueil qui est appelé sahih, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'auteur a mis dans ce livre ce qu'il a estimé étant sahih pour lui, c'est-à-dire que sa condition est que ce hadith qu'il a mis dedans, que chaque hadith est un hadith sahih. Lorsque nous avons quelqu'un qui a un livre, un auteur qui a un livre qu'il a appelé as-sunan, ça veut dire que cette personne n'a pas mis comme condition que ce soit un hadith qui soit sahih, mais plutôt il rapporte les sunan, qui est le pluriel de sunna, donc les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut qu'il rapporte une tradition qui est faible, et il explique la faiblesse de ce hadith, de cette tradition, dans le livre comme le fait l'imam al-Tirmidhi, dans son jami', dans sa sunan, comme il est appelé communément, comme on va le voir. Donc sa condition n'est pas que chaque hadith soit sahih. Il peut rapporter un hadith sahih, de même qu'un hadith hasan, et il se peut qu'il rapporte un hadith da'if, mais lorsqu'il sait lui-même qu'il est da'if, qu'il est faible, il explique la faiblesse de ce hadith. Il se peut qu'un hadith que lui aura estimé comme étant hasan ou sahih soit en réalité faible. Et lorsqu'une personne, un auteur, écrit un livre l'appelant Mousnad, comme le Mousnad de l'imam Ahmed, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon le sahabi qui le rapporte. Mousnad, c'est-à-dire celui qui rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les sahaba. Il se peut qu'il rapporte cela selon les lettres de l'alphabet. C'est-à-dire qu'il commence par Abu Huraira, par exemple. Car Al-Alif, la première lettre de l'alphabet. Donc on a le Mousnad. Donc dans le Mousnad de l'imam Ahmed, par exemple, le Mousnad, le premier chapitre, Mousnad de Abi Huraira. Tous les hadiths qu'il a rapportés selon Abu Huraira. Et encore une fois, on regarde la condition de cet imam. Si cet imam a mis comme condition que dans son Mousnad, il rapporte que des hadiths authentiques, ceci est sa condition. Et après, on regardera si il a été véridique dans cette condition ou si il s'est trompé par rapport à cette condition. Ensuite, on a, et pour finir, puisque on a d'autres manières aussi d'écrire, on va citer seulement Al-Ma'ajim, qui est le pluriel de Mu'jam. Al-Mu'jam, c'est celui que l'auteur, rapporte dans son recueil selon les lettres de l'alphabet généralement, selon son cheikh. C'est-à-dire que son cheikh s'appelle par exemple Abdullah, à la lettre Ayn, il aura cette partie de Abdullah, lettre Ayn, puis Abdullah, Abdurrahman et autres et autres et autres. Abdullah, tous les hadiths que Abdullah, son cheikh qui s'appelle Abdullah, un tel, tous ces hadiths qu'il rapporte de lui. C'est aussi une méthode qu'ils ont d'écrire ces recueils. Ensuite, nous avons ceux qui sont venus après eux. Et ceci, ces méthodes-là que je vous ai expliquées, c'est pour que vous compreniez lorsque tu entends le Mousnad. Qu'est-ce que ça veut dire le Mousnad? C'est quoi la différence entre un Mousnad et un Sunan? On a connu ici la différence. Ces questions-là, je vous les poserai la semaine prochaine. Et rapportez-moi un autre Mousnad que celui que j'ai évoqué aujourd'hui. Le nom d'un autre Mousnad que ceux évoqués aujourd'hui. De même que le nom d'un Mu'jam. Le nom d'un Mu'jam et le nom d'un livre de Sunan, autre que ces quatre Sunan que je vais évoquer aujourd'hui. Et nous avons parmi, et ceci était la voie empruntée par les premières générations, puis ceux qui les ont suivis parmi les savants, ont emprunté parfois une autre voie, comme l'évoque ici Cheikh Ibn Uthaymin dans ce livre. Rahimahullah. Il dit que parfois ils ont rapporté les hadiths sans chaîne de transmission, mais en rappelant qui a rapporté ce hadith parmi ceux qui le rapportent avec la chaîne de transmission. Comment ça s'appelle, cette chose-là? On l'a évoqué dans le premier cours. Le fait de rappeler un hadith, de rappeler l'endroit où se trouve le hadith, l'endroit où se trouve le hadith rapporté avec sa chaîne de transmission. Fadda. At-takhrij, ahsant. At-takhrij, le fait de faire sortir quelque chose, de faire sortir une chaîne de transmission ou un hadith. At-takhrij, tu vois, takhrij, Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, de tel livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce hadith, à la base, il y avait ou il n'y avait pas les chaînes de transmission et Al-Shir al-Albani, rahimahullah, a rapporté dans la marge qui sont ces personnes qui ont rapporté ce hadith avec les chaînes de transmission parmi les auteurs de As-Sunan ou de Sahih et autres que cela. Donc parmi ces livres-là, par exemple, Bulughul Maram de l'Hafiz Ibn Hajar, de même que Umdatul Ahkam de l'Hafiz Abdel Ghani Al-Maqdisi. Et parfois donc, selon les portes, les chapitres, de même que Riyad Salihin, selon les chapitres, ou parfois selon les lettres, c'est-à-dire qu'il commence avec la première lettre du hadith qui est venue dans le hadith et selon cela il le classe en lettres, c'est-à-dire si la première lettre du hadith est Al-Alif, eh bien il le met en premier puis les autres lettres, comme par exemple Al-Jami' al-Saghir de Al-Suyuti. Ensuite, et pour terminer, nous avons ces six recueils de référence, ces six recueils mères, les recueils de référence du hadith, qui sont le Sahih de l'imam al-Bukhari, le Sahih de l'imam muslim, Sunan al-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi et Sunan ibn Majah, rahimahumullah. La semaine prochaine, avec les bénéfices que vous allez rapporter, je rapporterai moi aussi quelques bénéfices que je ne vais pas rappeler aujourd'hui concernant des livres traitant de la science de l'mustalah, de même que certains livres traitant de la science de al-jarh wa al-ta'dil. Pendant notre révision, je rapporterai cela rapidement. Commençons par le Sahih de l'imam al-Bukhari. Ce livre-là, le Sahih de l'imam al-Bukhari, qui est communément appelé Sahih al-Bukhari. Quel est son véritable nom ou son nom en entier? Recherchez cela. Le nom en entier, comme l'a appelé son auteur. C'est à vous de faire la recherche. Il est sorti avec ce livre, As-Sahih, de 600 000 hadiths qu'il avait. Attention, les frères, lorsque vous entendez qu'un tel apprenait 300 000 hadiths, 600 000 hadiths et autres que cela, ce qui est voulu ici, ce n'est pas le hadith, chaîne de transmission et matn, chaîne de transmission et texte. Non, parfois, on appelle chez les gens du hadith un hadith, le même matn, donc le même texte, mais rapporté par 10, 20, 30 chaînes de transmission. C'est quand même quelque chose d'apprendre autant de hadith, selon ce terme-là. Mais il ne faut pas vous imaginer que lorsqu'on parle de 600 000 hadiths, on parle de 600 000 textes différents. Peut-être que le texte a une petite différence sur un mot, mais c'est le même sens. Et peut-être qu'il n'y a pas de différence, mais simplement le même texte a 10, 20, 30, 50 chaînes de transmission différentes. Une seule personne change dans la chaîne de transmission. Vous comprenez? Faites bien attention à cela. Donc, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, s'est fatigué. S'est fatigué et a ressorti de 600 000 hadiths ce qu'il a rapporté dans son sahih. Il a rapporté de lui qu'il ne mettait pas, qu'il ne choisissait pas un hadith parmi ses hadiths, qu'il a jugé authentique selon ses conditions, à lui, sans avoir fait ses grandes ablutions, al-rusl, puis avoir prié la prière de consultation pour mettre ou pas ce hadith dans son sahih. Puis il a terminé son sahih en 16 ans. Après cela, il l'a exposé à plusieurs parmi ses chouyours, parmi les imams de son temps, parmi eux l'imam Ahmed. L'imam Ahmed fait partie des chouyours de l'imam al-Bukhari. Parmi eux l'imam Yahya ibn Ma'in, de même que Ali ibn al-Madini, rahimahumullah, et autres que eux. Et chacun d'entre eux a donné un avis favorable sur ce recueil. Et comme je l'ai dit, les gens de l'islam ont accepté celui-là, ont accueilli ce livre-là, de même que le sahih de l'imam muslim par l'acceptation. Ils les ont accueillis par l'acceptation. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir si ce hadith est authentique ou pas. Du moment qu'il est dans le sahih de l'imam al-Bukhari, faites attention, on dit rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih. Car l'imam al-Bukhari a d'autres livres, parmi eux l'Adab al-Mufrad, et dans ce livre par exemple l'Adab al-Mufrad, il n'avait pas les mêmes conditions que dans le Sahih. On a dit la condition d'un livre que son auteur appelle Sahih, est que chaque hadith qui soit dedans soit authentique selon lui, selon ses conditions. Et donc dans un livre qu'il appelle l'Adab al-Mufrad, eh bien on voit, d'après le nom de ce livre, qu'il n'a pas mis cette condition. Donc à partir de là, quand on parle des hadiths de l'imam al-Bukhari, il faut bien être pointilleux. Rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih. Parce que rapporté par l'imam al-Bukhari, on peut penser qu'il est rapporté dans son sahih comme dans ses autres livres. Et dans ses autres livres, à partir de là, on regardera sur les chaînes de transmission de ces derniers. Mais dans le sahih de l'imam al-Bukhari, on ne regarde pas la chaîne de transmission. Il est sahih, un point c'est tout. De même que le sahih de l'imam muslim. Le nombre de hadiths rapportés dans le sahih de l'imam al-Bukhari, il faut savoir que l'imam al-Bukhari rapportait le même hadith, parfois une partie du hadith, parfois le hadith en entier, à plusieurs endroits de son sahih. C'est sa manière de faire, à plusieurs endroits de son sahih. Avec tous ces hadiths qui sont rapportés parfois, répétés une dizaine de fois, nous trouvons 7397 hadiths. 7397 hadiths. Et si on efface tous ces hadiths rapportés et répétés plusieurs fois, nous arrivons à 2602 hadiths. Comme l'a rappelé Al-Hafidh Ibn Hajar. Il commença par le chapitre de la foi, l'Iman, il termina par Kitab al-Tawhid, et vous savez le travail que vous avez à faire pour la semaine prochaine. Qui est-il l'imam al-Bukhari? Il est Abu Abdillah, Muhammad, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Ibn al-Mughira, Ibn Bardisba, al-Bukhari, al-Ju'fi, Mawlahum, al-Farisi, al-Asl. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari était perse d'origine. Et il est mort en... Hein? Oh, vous l'avez tous dit en même temps, Allahumma barik. 256, ahsantum. 256. Ça y est, ça c'est quelque chose qu'on doit connaître par cœur. Il n'y a plus moyen d'y échapper. 256 de l'Hégir. Ahsantum. Vous verrez que apprendre les dates, c'est quelque chose qui est très important. Comme je l'ai déjà évoqué précédemment, la parole de l'imam Soufiane Thawri, rahimahullah, idha sta'amala ar-ruwatu al-kadhib sta'amalna alayhim al-tarikh. Lorsque les rapporteurs, et là vous avez une vision globale de ce qu'un rapporteur du hadith, d'une chaîne de transmission et autres, et l'importance de connaître les dates. On sait que Muhammad ibn Shihab est mort en 223 ou 224. Si une personne qui est mort en l'an 300 et quelques dit qu'il a rapporté de Muhammad ibn Shihab, ce qui est le plus vers quoi on va pencher le plus, c'est que il est un menteur dans cela, mais pas forcément. Il y a des gens qui ont vécu pendant plus d'une centaine d'années. S'il a vu Muhammad ibn Shihab alors qu'il avait 6-7 ans et il est mort à 130 et quelques années, vous comprenez, il y a des choses comme ça, et c'est ce qu'on appelle dans la source du hadith as-sabiqi wal-lahiq. Riwayat as-sabiqi wal-lahiq. As-sabiq wal-lahiq. C'est une science qui est une science qui est douce, comme le disent les gens du hadith. Parfois, on voit une personne qui est, dont sa date de décès est très éloignée d'une autre, pourtant il a rapporté de lui. Le sahih de l'imam Muslim, comment s'appelle-t-il? À vous de rapporter le nom. À vous, dans le cours prochain, de rapporter le nom de ce livre, le sahih de l'imam Muslim. Il rapporta dans son sahih, bien sûr, ce qu'il a trouvé comme étant authentique selon ses conditions à lui. Il faut savoir que la condition de l'imam Muslim n'est pas la même que celle de l'imam al-Bukhari. Elle est proche de celle-ci, mais elle n'est pas la même. Elle est en dessous de la condition de l'imam al-Bukhari. La condition de l'imam al-Bukhari, pour accepter un hadith, reconnaître un hadith comme étant authentique, est plus forte que celle de l'imam Muslim. Et c'est une des raisons qui ont fait que les savants de l'islam ont préféré le sahih de l'imam al-Bukhari à celui de l'imam Muslim. Et il faut savoir que l'imam al-Bukhari, dans son sahih, rapportait les ahadiths qui se ressemblaient, qui allaient dans le même chapitre, à un seul endroit. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas comme l'imam al-Bukhari, il prenait un hadith et il le coupait, il rapportait une partie de ce hadith à plusieurs endroits. Non, tous les ahadiths qui étaient proches, dans le même sens, à propos du même sujet, il les rapportait dans un même endroit. Et il faut savoir que l'imam Muslim n'a pas écrit les titres de ses sous-chapitres. Lorsque tu prends le sahih de l'imam Muslim, tu vas trouver Bab Kada, la porte de Kada, la porte de ceci, le sous-chapitre de cela. Ceci n'est pas du fait de l'imam Muslim, mais plutôt du fait de ceux qui ont expliqué, qui ont fait le sharh, l'explication du sahih de l'imam Muslim après lui. Et parmi ceux qui ont écrit les sous-chapitres ou les sous-titres les meilleurs et les plus frappants, Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, qui a son sharh qui s'appelle Al-Minhaj. Le sharh de l'imam Muslim s'appelle, de Al-Hafidh al-Nawawi sur le sahih de l'imam Muslim s'appelle Al-Minhaj. Fi sharhi sahihi Muslim ibn al-Hajjaj. Al-Minhaj. Il rapporte dans son sahih, environ 4000 hadiths. Environ 4000 hadiths. Muslim et Abu al-Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj, ibn Muslim al-Qushayri, al-Naysabouri. Il est né donc dans la ville de Naysabour, qui se trouve dans quelle région, Naysabour? C'est la capitale d'une région connue, vers l'Iran, mais à l'époque, une région qui est très connue, c'est la capitale de cette région. On l'a déjà évoqué dans des cours précédents. Hein? Ahsant. Barakallahu fiksiko. Khurasan, la région de Khurasan. C'est une région qui est très connue, qui se trouve, comme l'a dit Abdallah, en Iran. Sur une partie de l'Iran, elle s'étend sur une partie de l'Iran et elle fait partie des pays, des régions qui sont appelées chez les anciens Mawara al-Nahr, ce qui se trouve derrière le fleuve. Et donc, Naysabur est une ville qui était la capitale de cette région Khurasan. Donc il est né à Naysabur, il a étudié après, ou lors de ses voyages, il a demandé le hadith et étudié dans la péninsule arabique, dans la région de Cham, en Irak, en Égypte. Et lorsque l'imam al-Bukhari est venu à Naysabur, dans la ville donc de l'imam muslim, à partir de là, il est resté avec lui et il est devenu son élève proche. Et il est mort en 261 de l'Hégire. 261, l'imam muslim. Rahimahullah. As-Sunan de l'imam al-Nasa'i. L'imam al-Nasa'i a un livre qui s'appelle As-Sunan al-Kubra. As-Sunan al-Kubra, les grandes sunan. Qu'il a raccourci et résumé dans As-Sunan al-Sughra, qu'on appelle aussi al-Mujtaba. Et c'est ça qui est voulu par son livre Sunan al-Nasa'i. Sunan al-Nasa'i, ce n'est pas As-Sunan al-Kubra, c'est-à-dire le livre de base, qui est beaucoup plus volumineux que celui que nous voyons et que nous appelons Sunan al-Nasa'i. Et que l'on peut trouver aujourd'hui, As-Sunan al-Kubra. Il existe, il est édité. Mais lorsqu'on dit Sunan al-Nasa'i, c'est le résumé de As-Sunan al-Kubra. Le résumé de Sunan al-Kubra qui se trouve dans Al-Mujtaba, As-Sunan al-Sughra de l'imam al-Nasa'i. Et de manière générale, l'imam al-Nasa'i a rapporté des hadiths authentiques, bons et faibles aussi. Parfois, il explique la faiblesse du hadith qu'il a rapporté, et parfois, il se peut que lui-même pense que ce hadith n'était pas faible, mais que les gens de la vérification parmi les savants du hadith explique après cela que ce hadith est faible, mais il faut savoir que le livre de Sunan de l'imam al-Nasa'i est le moindre parmi les quatre Sunan, celui qui contient le moins de hadiths faibles parmi les quatre Sunan. Et il faut savoir que l'imam al-Nasa'i était un grand savant de la science de l'jarh wa ta'dil. Et c'est pour cette raison, comme le disent les savants, que son livre est celui qui est le plus éloigné des traditions faibles. Donc il vient directement se placer après le sahih de l'imam muslim. L'imam al-Nasa'i et Abu Abdurrahman, Ahmed ibn Shu'aib, ibn Ali, al-Nasa'i. On dit al-Nasa'i ou al-Nasawi. Il vient de la ville de Nasa, qui est un pays ou une ville connue du pays de Khurasan, comme on vient de l'évoquer. Et il est mort en 303 de l'Hégire. Sunan Abi Daoud, qui contient 4800 hadiths. Il rapporta, Shir ibn Uthaymin ici nous dit qu'il rapporta, il se contenta de rapporter les hadiths traitant de l'ahkam, c'est-à-dire des règles religieuses, c'est-à-dire des règles jurisprudentielles. Et il a expliqué la voie qu'il emprunta dans son livre Sunan, dans une épître qui est connue, comme ceci nous le dit Shir ici, c'est cette épître qui est connue comme Risalatu Abi Daoud ila Ahli Makkah, la lettre de Abu Daoud aux gens de la Mecque, dans laquelle une épître qui est courte, dans laquelle il explique la voie qu'il emprunta dans son livre et ses conditions pour accepter un hadith. Shir ibn Uthaymin, comme je vous l'ai dit, il dit qu'il s'est contenté de rapporter les hadiths de l'ahkam, donc des règles jurisprudentielles. Mais en réalité, nous voyons que l'imam Abu Daoud a rapporté un chapitre dans son livre qui s'appelle Kitab al-Sunnah, qui se trouve à la fin de son livre Sunan, dans lequel il rapporte les croyances des gens de l'islam. Et c'est un livre qui est important, Kitab al-Sunna, dans son livre, donc Sunan Abi Daoud. Donc il ne s'est pas contenté, mais c'est vrai que, comme le dit Cheikh ici, il ne s'est pas contenté réellement de rapporter les ahadiths qui traitent des règles jurisprudentielles, mais la plupart de ces ahadiths traitent de cela. Mais il a ce livre qui est très important, Kitab al-Sunna. Et donc, Abu Daoud, cet imam est Sulayman ibn al-Ash'ath, al-Sijistani, qui vient de Sijistan, donc de ces pays qui se trouvent derrière le fleuve, de la même région que al-Bukhari, wa Muslim, wa al-Nasa'i et autres. Et il est mort en 275, rahimahullahu ta'ala, parmi les grands savants de qui il a pris et de qui il a été l'élève, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, qui est connu comme Jami' al-Tirmidhi. L'imam al-Tirmidhi a écrit ce livre selon les chapitres du fiqh. Et il a mis dans ce livre ce qui est authentique, ce qui est bon et ce qui est faible. Et il démontra à chaque fois qu'il rapporte un hadith le degré d'authenticité de ce dernier. Lorsqu'il est faible, il le détaille. Lorsqu'il est bon, il le détaille. Lorsqu'il est authentique, il le détaille. Et c'est un livre qui est important pour cela. Car l'imam Tirmidhi, beaucoup dans son livre, détaille la faiblesse de certains ahadiths. Et lui aussi détailla la voie qu'il emprunta dans son livre, dans une petite fraction de son livre qui se trouve à la fin justement de Al-Jami', qu'il a appelé Al-Ilal. Al-Ilal Al-Sarir. Al-Tirmidhi, c'est Abu Isa, Muhammad ibn Isa, Al-Tirmidhi, qui est né à Tirmidh, qui fait partie aussi des villes se trouvant dans cette région, derrière le fleuve. Tirmidh, qui est une ville qui se trouve aujourd'hui en Ouzbékistan, si je ne me trompe pas. Il est mort en 279 de l'Hégire, Al-Tirmidhi. Et parmi les grands savants du hadith de qui il prie et qui l'accompagna pendant de longues années, l'imam al-Bukhari. Puis le dernier de ces six recueils, Sunan ibn Majah. Ibn Majah, comme je l'ai dit, bilha, wa laysa bi atta al-marbuta, pardon. Tu dis Ibn Majah, tu dis pas Ibn Majata, Ibn Majah, dans tous les cas. Il a écrit donc ce livre, Sunan, qui contient 4341 hadiths, et ce livre-là se place en sixième position chez les gens du hadith, car en effet, il y a plusieurs ahadiths qui sont faibles, jusqu'à même des ahadiths chez certains savants, d'après certains savants, qui sont inventés, Moudour, dans son livre Ibn Majah. Et ce qui était connu chez les gens du hadith, c'est que le hadith qui se trouve uniquement dans le recueil de Sunan d'Ibn Majah et non dans les autres recueils de Sunan est un hadith qui est faible. Car beaucoup des hadiths rapportés par Ibn Majah se retrouvent aussi dans les autres recueils de Sunan. Ce qui était connu chez les gens du hadith, c'est que celui qui est rapporté uniquement par Ibn Majah est un hadith qui est faible. Mais la vérité, comme le dit Al-Hafid ibn Hajar, est autre que celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a des hadiths qui ont été rapportés uniquement par Ibn Majah, qui sont, comme n'importe quel autre livre, qui sont authentiques, bons et faibles. Et Ibn Majah a, dans l'introduction de son livre, un livre qui est important, ou une partie qui est importante, qui traite de la sunna. Ibn Majah et Abu Abdillah, Muhammad ibn Yazid, ibn Abdillah, ibn Majah. Abu Abdillah, Muhammad ibn Yazid, ibn Abdillah, ibn Majah. Il est mort en 273 de l'Hégire. Et je termine ici rapidement, désolé pour le temps que ça a pris, par le Mousnad de l'imam Ahmed. On a déjà évoqué ce qu'était le Mousnad. L'imam Ahmed, bien sûr, comme vous le savez, imam Ahl Sunnah, Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullahu ta'ala. Il rapporte dans son Mousnad, qui est un livre très important, donc l'imam Ahmed qui est mort en quelle année? Ça va nous servir pour les cours prochains. 241 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est imam ahl sunnah. On en parlera un peu plus dans les cours prochains inshallah ta'ala, qui a ce livre qui est un livre très important que les savants de l'islam mettent souvent en septième position, c'est-à-dire après les deux recueils authentiques et les six recueils de sunan, le musnad de l'imam Ahmed, qui réunit 30 000 hadiths avec les hadiths qui sont répétés. et en effaçant 30 000 hadiths en effaçant les hadiths répétés et 40 000 hadiths avec les hadiths qui se répètent et qui est un mousnad, donc qui est rapporté selon le sahabi qui rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un livre qui a une grande place chez les savants de l'islam, comme je l'ai évoqué, et dans lequel se trouve As-Sahih, Wal-Hasan, Wal-Da'if. Et il faut savoir que dans le mousnad de l'imam Ahmad, il y a des rajouts qui ont été faits par son fils Abdullah, qui rapporte le mousnad de lui, des rajouts. Et parfois dans ces rajouts de Abdullah, il y a des hadiths qui sont faibles. Il y a des hadiths qui sont faibles. Pour les gens de l'islam, le mousnad de l'imam Ahmad. Ensuite, nous trouvons Al-Muwatta, qui est le dernier des livres que je voulais évoquer ici, Al-Muwatta de l'imam Malik, imam Dar al-Hijra, qui est Malik ibn Anas, ibn Abi Amir, Al-Asbahi, Al-Himyari, Abu Abdillah, Al-Madani, rahimahullah, qui est mort en quelle année, l'imam Malik? 179, en l'an 179. Il écrit donc ce livre, Al-Muwatta, qui est un livre qui a précédé tous ses prédécesseurs que j'ai évoqués ici. Al-Muwatta de l'imam Malik. Car il est plus ancien que ces derniers. Et c'est pour cela que nous trouvons dans la parole de l'imam Shafi'i qui dit qu'il ne se trouve pas sur terre, dans le sens de sa parole, sur terre un livre plus authentique que le Muwatta de l'imam Malik. Pourquoi? Car l'imam Shafi'i, qui est mort en l'an 204, il dit ceci à propos de son shir, l'imam Malik, avant que l'imam al-Bukhari ait écrit son sahih. Ceci a été un problème pour certaines personnes. Ils disent, l'imam Shafi'i dit cela. Donc le Muwatta est plus authentique que le sahih de l'imam al-Bukhari. Non, il a dit ceci avant que l'imam al-Bukhari écrit son livre. Donc un livre qui est plus ancien. Pourquoi il s'appelle Al-Muwatta? Car les savants disent plusieurs paroles à propos de cela. Et il est rapporté que l'imam Malik a dit, j'ai exposé mon livre Al-Muwatta à 70 fuqaha, savants de la ville de Médine, et chacun se sont accordés sur la validité, ou se sont accordés à valider ce livre Al-Muwatta. Donc ils se sont tawata'u, c'est ça le sens du terme Muwatta, quelque chose où les gens se sont accordés pour valider. Donc Al-Muwatta, quelque chose qui est accordé, une chose sur laquelle on s'est accordé. Et autre que cela, parmi les paroles qui sont rapportées sur la cause de son appellation Al-Muwatta. Al-Muwatta réunit 1942 hadiths, et ceci selon la manière que les savants auront de d'énumérer les hadiths qui sont venus. Certains ont énuméré simplement les hadiths, donc ce qui est rapporté marfou' du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont énuméré aussi Al-Marfou' et Al-Mawquf, donc ce qui est rapporté de Sahaba, et c'est ceux-là qui ont dit qu'il y avait 1942 hadiths ou narrations. Et certains ont même compté les paroles de l'imam Malik. À chaque fois que l'imam Malik dit une parole, ils l'ont compté. Donc tu verras un nombre plus grand. Mais ici, 1942, c'est lorsqu'on énumère les hadiths et les athar rapportés de Sahaba. Barakallahu fikoum. Je termine par ces livres de Al-Sheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani, rahimallah, qui est mort en 1420 de l'Égypte. Ce grand savant, Mohamed Nasiruddin Al-Albani, Muhaddith Al-Asr, le muhaddith de cette époque, rahimahullah ta'ala, qui a des livres qui sont très importants, desquels on ne se passe pas. Et combien de fois tu entends authentifié par Al-Albani, jugé faible par Al-Albani, rahimahullah. Et aujourd'hui, tu ne vas presque entendre que cela. Il se peut que dans des paroles des savants, tu entends authentifié par Ibn Hajar, parmi les grands imams de l'islam, et aujourd'hui, authentifié par Al-Dahabi. Et aujourd'hui, nous avons aussi Mohamed Nasiruddin Al-Albani, et tu n'entendras pratiquement parmi les contemporains que lui. Ceci est un succès qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à cette personne, Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah, qui a écrit deux livres qui sont des livres très importants, Silsilatul Ahadith As-Sahiha, où il rapporte 4035 ahadith. Donc il a authentifié, qu'il a jugé authentique, rahimahullah. De même que Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa Wal-Mawdu'a, où il réunit 7162 ahadith faibles et faux sur 14 volumes. De même que Cheikh a beaucoup de vérifications de livres importants comme le livre de le recueil de Sunan de l'imam Abu Daoud, de même que l'imam de celui de l'imam Tirmidhi, de même que le Sahih d'Ibn Hibban, qui sont des annotations qu'il fit à ce Sahih de l'imam Ibn Hibban, de même que d'autres hadiths, des vérifications d'autres recueils de hadiths, rahimahullah ta'ala. Et pour terminer, l'allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i al-Yamani, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 1422, qui a aussi deux livres très importants de cela, qui a beaucoup contribué à la vérification des hadiths à notre époque, qui est rappelé souvent avec l'imam al-Albani, bien qu'il soit en dessous de lui, rahimahullah, qui a deux livres, al-Jami' al-Sahih, Al-Jami'u al-Sahih, mimma laysa fi al-Sahihayn, où il réunit, comme son nom l'indique, ce qui est authentique mais qui ne se trouve pas dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. Celui-ci, il l'écrivit en 6 volumes. Il est édité en 6 volumes. Al-Jami'u al-Sahih, mimma laysa fi al-Sahihayn. De même qu'un livre qu'il a appelé al-Sahih al-Musnad, mimma laysa fi al-Sahihayn, où il réunit aussi d'autres hadiths qui se trouvent et qui ne sont pas forcément les hadiths qui se trouvent dans le premier, en deux volumes. Rahimahumullahu ta'ala, wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin.